Je débarque, mettre des débarques à toutes les grosses putes, des débarques, des démarches, claque, des débarques. On est à deux depuis des débarques. MCB sur le beat, rap de spi pour les man de sa clique. Ici y'a trop de style, alors on parle toute ton équipe. Ok, il paraît que j'ai le karma depuis que je rappe comme Che Guevara. Un lance-roquette, une JJ là-bas, t'es mal carnage, bon débarras. Je rachappe comme un ouragan, c'est violent, protégez vos dents. Putain, vous faites un pour attendre, la belette c'est la bête, j'ai vos dents. Faut que je t'explique et marque plique dans ce texte qui parle pas de pite. Un pas de pite, c'est ma zizi qui dévoile, c'est pas de patrie, pas de bachiche et de pactrice. Moi je veux juste un pack de tease. Bienvenue maintenant ma matrice, que je te sers dans un pack de shit. Faut que t'explique que ma life je la conduis comme un bolide, avec des lyrics de malade tout droit sortis de leur prolique. J'évolue vers la folie quand la foule bouge m'applaudit, car c'est sur scène que je prends plaisir et c'est pour ça que je vous remercie. Je débarque et je frappe, je rappe coup de batte, je braque et attrape, t'aimes pas, écoute un peu match, pas black, je suis white, t'es moqueur, nique sa mère, le blanche, pas de Wayne Skywalker. Jedi, c'est l'entraque, j'ai des go qui m'attraque, mes bails, je mets des claques, j'ai le flow qui mitraille. Les mots qui cisaillent la hache, je l'enterre, putain, je défouraille les barres de super. Les miss et le fus, t'es cherche sur ta face. MC, t'as le buzz, j'ai la classe, en masse, on déclasse, le naze, on les gaz, les faces, on tasse à la base sur des phrases. Je rappe et tout casse, le feu, je l'embrasse, un tap de Lucas, c'est le beat, je l'embrasse. Capte le pain, je brasse pas pour l'instant, peut-être, je viens finir un instant. Rap pas de balle qui sort de nos bouches, frappe la balle comme un joueur de foot. Tape la balle pour plaquer le blast, écrase les faces comme un rappeur de ouf. Qu'attaque à la base, mais tac la tête. Bartel, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'envoie les blocs quand je tourne dans ta caisse et je bloque tous les nazes qui débarquent à la pêche. Je rappelle que mon rap il écrase, il est bad, il fait craquer des baffes dans les boîtes et les bars. Balance la patte et on boite le pas, vas-y bouge les bras sur la piste ou le bar. Barbare et ma bouche alors bouge les bas. Rythme dépassé du beat de base, c'est la patate du nord qui débite, c'est pas. Passe le micro qu'on aura mieux que toi.